بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui qui a révélé à son serviteur le discernement entre le bien et le mal, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. C'est à lui qu'appartient le pouvoir suprême des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué de fils, il n'a point d'associé en sa royauté, et il a créé toutes choses selon de justes proportions. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne peuvent rien créer, qui ne peuvent se préserver d'un mal ni s'attirer un bien, qui ne possèdent de contrôle ni sur la vie ni sur la mort, et encore moins sur la résurrection. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Ceux qui ne croient pas disent: ce n'est qu'un mensonge qu'il a forgé, avec l'assistance d'autres individus. Ce faisant, ils commettent une injustice et profèrent un mensonge. Et ils disent: ce sont des légendes anciennes qu'il se fait écrire. On les lui dicte matin et soir. Dis-leur: ô Mohammed, c'est celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre qui l'a révélé. Et il est certes pardonneur et miséricordieux. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Et ils disent encore: qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture, comme nous tous, et qui circule dans les marchés? Pourquoi ne lui fait-on pas descendre un ange du ciel, afin qu'il avertisse les gens en sa compagnie? Et pourquoi ne lui envoie-t-on pas un trésor de là-haut? Ou pourquoi, encore, ne possède-t-il pas un jardin bien à lui, dont il pourrait manger les fruits? Et les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont tous égarés et ne peuvent plus retrouver le droit chemin. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que tout cela, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et il t'assignera des palais. بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Il nie l'avènement de l'heure. Pour quiconque nie son avènement, cependant, nous avons préparé une flamme brûlante. Qui, les voyant venir de loin, les accueillera avec sa fureur et ses grondements. Et lorsqu'ils y seront jetés, enchaînés par deux dans un espace étroit, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Il leur sera dit : Ne souhaitez pas en ce jour une seule et définitive destruction. Ce sont des destructions répétitives et sans fin que vous subirez. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا. Dis, ce châtiment est-il meilleur que le jardin d'éternité qui a été promis aux pieux comme récompense et ultime destination? Demeurant là pour l'éternité, tous leurs désirs y seront comblés. C'est une promesse que ton Seigneur a pris sur lui d'accomplir. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient à la place de Dieu, il dira ceci : Est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici ? Ou se sont-ils eux-mêmes écartés du sentier ? Ils répondront : Gloire à toi, il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des protecteurs. Mais tu les as comblés de bonnes choses, eux et leurs ancêtres, au point où ils en ont oublié le rappel qu'on leur avait transmis. C'est ainsi qu'ils se sont égarés. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dieu dira alors aux polythéistes, vos fausses divinités ont démenti vos paroles. Vous ne pourrez échapper au châtiment, ni obtenir aucun secours. Et quiconque d'entre vous se montre injuste, nous lui ferons goûter un terrible tourment. Et nous n'avons envoyé avant toi, ô Mohammed, que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec patience, et ton Seigneur observe tout ce que vous faites. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent: pourquoi ne nous envoie-t-on pas des anges? Et pourquoi nous est-il impossible de voir notre Seigneur? En vérité, ils se font une trop haute opinion d'eux-mêmes et dépassent les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour les criminels. Les anges diront: il y a ici une barrière qu'il vous est totalement défendu de traverser. Puis, nous nous tournerons vers les œuvres qu'ils auront accomplies et les réduiront en poussière éparpillée. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Ce jour-là, ceux qui auront gagné le paradis connaîtront un séjour autrement paisible et jouiront du meilleur lieu de repos. Le jour où le ciel s'entr'ouvrira au passage des nuages et où on fera descendre les anges en rang serré. Ce jour-là, la véritable royauté appartiendra entièrement au tout miséricordieux. Ce sera pour les mécréants un jour très difficile. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ce jour-là, l'injuste se mordra les mains et dira: ah, si seulement j'avais suivi le droit chemin avec le messager de Dieu. Hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a détourné du rappel après qu'il m'est parvenu. Satan déserte toujours l'homme lorsque celui-ci se trouve en détresse. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Et le messager dit: Seigneur, mon peuple a délaissé ce Coran. Ainsi, avons-nous toujours assigné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels? Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Ceux qui ne croient pas disent: Pourquoi ne lui a-t-on pas révélé le Coran en une seule fois? Nous le révélons ainsi, afin que ton cœur en soit raffermi. Nous l'avons révélé en étapes successives, dans un ordre parfait. Ils ne te proposeront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité pour s'y opposer, bien meilleure que leur parabole comme argument. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Ceux qui un jour seront rassemblés et traînés sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et plus égarés que jamais. Nous avons donné les Écritures à Moïse et lui avons assigné son frère Aaron pour l'assister. Puis nous leur avons dit: Allez tous deux vers ce peuple qui a traité nos signes de mensonges. Nous les avons ensuite détruits complètement. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Le peuple de Noé, quand ils eurent traité de menteurs les messagers, nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe. Et nous avons préparé un douloureux châtiment pour les injustes. Et les Had et les Thamoud, de même que les gens d'Arras et les nombreuses générations intermédiaires. Nous les avions tous avertis par des exemples édifiants, et nous les avons anéantis de façon brutale. Ils étaient pourtant passés par les ruines de cette cité, qu'une sinistre pluie fatale avait détruite, ne l'avaient-ils pas vue? Sans doute, mais ils n'entretenaient guère d'espoir en une résurrection future. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Et lorsqu'ils te voient, ils ne font que se moquer de toi en disant: Est-ce là celui que Dieu a envoyé comme messager? Il s'en serait fallu de peu qu'il ne nous éloigne de nos divinités, si ce n'était notre fidélité envers elle. Mais ils sauront, lorsqu'ils verront le châtiment, qui s'est le plus écarté du droit chemin. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. As-tu vu celui qui a choisi pour divinité ses propres désirs? Saurais-tu te porter garant de lui? Ou bien crois-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont en fait plus éloignés encore du droit chemin. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Ne vois-tu pas comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait faite immobile. Et nous faisons du soleil un moyen de la rendre visible. Puis nous la ramenons ensuite, petit à petit, vers nous. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Et c'est lui qui a fait de la nuit un voile épais pour vous. Et il a fait du sommeil un assoupissement reposant, et du jour un retour à la vie. C'est encore lui qui envoie les vents annonçant sa miséricorde, et nous faisons descendre du ciel une eau purifiante, pour faire revivre par elle un pays mort de sécheresse, et donner à boire aux multiples bêtes et êtres humains que nous avons créés. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Et certes, nous avons déployé tout cela aux hommes afin qu'ils se rappellent, mais la plupart d'entre eux ne savent que se montrer ingrats. Si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé un avertisseur dans chaque village. N'obéis donc pas aux mécréants, et à l'aide du Coran, combat-les vigoureusement. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers confluentes, l'une agréable au goût et très douce, et l'autre salée et amère. Et il a établi entre les deux une barrière, une zone infranchissable. Et c'est lui qui de l'eau a créé les hommes, et établi entre eux des liens de parenté et des liens par alliance. Et ton Seigneur est tout-puissant. Et pourtant, ils adorent à la place de Dieu ce qui ne peut ni leur profiter, ni leur nuire. Le mécréant est toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Et nous ne t'avons envoyé que pour apporter la bonne nouvelle et avertir les gens. Dis, je ne vous demande aucun salaire pour cela, sinon que de vous voir suivre un chemin conduisant à votre Seigneur. Et place ta confiance dans le vivant qui ne meurt jamais et célèbre sa louange. Lui seul suffit pour connaître les péchés de ses serviteurs. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. C'est lui qui, en l'espace de six jours, a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux, et il s'est établi sur le trône. Lui, le tout miséricordieux, interroge donc à son sujet quiconque en est bien informé. Et lorsqu'on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils rétorquent « Qu'est-ce donc que le tout miséricordieux ? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous ordonnes ?» Et cela accroît leur répulsion. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Béni soit celui qui a mis des constellations dans le ciel et y a placé un flambeau incandescent et une lune éclairante. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut se souvenir de lui ou lui être reconnaissant. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Les fidèles serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre avec humilité, qui lorsque l'ignorance s'adresse à eux répondent paix, qui passent leur nuit prosternés et debout devant leur Seigneur, et qui disent « Seigneur, détourne de nous le châtiment de l'enfer, car ce châtiment est une torture permanente. Quelle horrible demeure et quel mauvais lieu de séjour. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais qui gardent un juste milieu. » والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Qui n'invoquent aucune autre divinité avec Dieu, qui ne prennent pas la vie que Dieu a faite sacrée, sauf pour une juste raison, et qui ne commettent pas l'adultère, car quiconque fait cela encourra une sanction. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera en enfer éternellement. Humilié, sauf ceux qui se repentent, croient et font de bonnes œuvres. Ceux-là, Dieu changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, car il est pardonneur et miséricordieux. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et quiconque se repent et accomplit de bonnes œuvres se tourne vraiment vers Dieu d'une façon qui l'agrée. Les serviteurs de Dieu ne produisent jamais de faux témoignages. Et lorsqu'ils sont témoins de frivolité, ils s'en écartent noblement. Et lorsque leur sont rappelés les versets de leur Seigneur, ils ne se font ni sourds ni aveugles. Et ils disent « Fais, Seigneur, que nos épouses et nos descendants soient fraîcheurs des yeux. » Et fais de nous des exemples pour les pieux. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Ceux-là auront pour récompense un haut lieu au paradis pour avoir été patients. Ils y seront accueillis par des salutations et des paroles de paix. Et ils y demeureront éternellement. Quelle belle demeure et quel agréable lieu de séjour. Dis aux mécréants, ô Mohammed, si ce n'était de vos invocations, Dieu ne se soucierait même pas de vous. Mais vous avez rejeté la vérité, aussi ne pourrez-vous échapper à son châtiment.